Vous les hommes, vous pensez avec les yeux. Vous les hommes, pour éviter les aveux. Ou simplement de sourire. Et lorsqu'on a peur d'être moins jolie, on se réfugie dans votre regard qui semble nous dire chaque fois: venez, y a du feu chez moi. Vous les hommes, vous pensez avec les yeux. Vous les hommes, pour éviter les aveux. Vous les hommes, vous vous prêtez sans compter. Vous les hommes, finalement soyez remerciés. Les premiers instants passent comme un rêve et l'on cueille sur vos lèvres. Le premier toujours trop vite suivi du sempiternel. Restons bons amis, précédant immanquablement. Bon baiser et à mardi. Vous les hommes, vous pensez avec les yeux. Vous les hommes, pour éviter les aveux. Vous les hommes, vous vous prêtez sans compter. Finalement, soyez remerciés. Quand vous vous sentez au bout du chemin, vous demandez notre main. Dans un grand élan, nous vous l'accordons, rêvant de voyages, de grands horizons, pour vous retrouver en chaussons devant la télévision. Vous les hommes, vous dormez au coin du feu. Vous les hommes, et quand vous fermez les yeux, nous les femmes, nous cherchons à rencontrer un jeune homme. Qui devrait bien vous remercier. Vous les hommes, aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe.